pense quand j'oublie. Deux fois j'y pense quand je suis seul. C'était la baisse de mon cœur. Je l'ai présenté à ma sœur. Mais bon poteau c'est la vie. Et fais-en un de monster. Ce soir il faut que j'oublie. Je converge à la Easter. Faut que je reprenne l'ailleurs pris. Le temps il passe, je suis même pas calme.